Qu'est-ce que tu attends? Elle lui a demandé ce qu'il attendait. 1. Qu'est-ce que tu lis? Elle lui a demandé ce qu'il lisait. 2. Qu'est-ce que tu as fait samedi? Elle lui a demandé ce qu'il avait fait samedi. 3. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Elle lui a demandé ce qu'il allait faire ce soir. 4. Qu'est-ce que tu feras cet été? Elle lui a demandé ce qu'il ferait cet été.